Bonjour, je ferai pas de live ce samedi, mais étant donné que j'en ai fait un hier, mais ce que je peux faire, c'est un petit exposé, improvisé, un petit exposé. Par rapport, je sais, à un moment donné, j'ai parlé de la guerre entre les sorciers du sang et les magiciens du ciel. Par après, je me suis dit, ça risque d'être interprété au sens littéral, parce que si c'est polarisé, on peut tout réduire à deux factions qui sont en guerre tout le temps, alors que c'est beaucoup moins simple que ça. Par rapport les initiés de la connaissance, il y en a qui vont à la fois faire partie de ce qu'on pourrait appeler des sorciers du sang, mais des magiciens du ciel. Et il va tout le temps y avoir des factions dans des factions. Il va toujours y avoir des sous-divisions. Pourquoi? Parce que au niveau de la mémoire de l'humanité, le mental archétypal, l'inconscient collectif, ces choses-là vont toujours revenir. On a tenté de nous faire croire qu'il y avait eu dans le passé une tradition primordiale qui aurait abouti à la doctrine des cycles, alors que rien n'est plus incertain. Le premier à avoir un petit peu ramené ça, l'histoire de tradition primordiale, c'est René Ganon. Mais est-ce qu'il est réellement question d'une tradition primordiale ininterrompue, ou plutôt de choses dont quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui a l'œil clair, peut remarquer qu'il a toujours été présent tout simplement, puis on va donner le nom de tradition primordiale. Parce que rien n'est moins sûr par rapport à une transmission en continu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de tradition en continu pour que certaines choses, parce qu'elles sont archétypales, parce qu'elles sont ancrées dans l'âme collective de l'humanité, pour revenir. Les choses ne cessent de revenir, il y a une répétition. Donc, au niveau, si on peut parler par exemple les magiciens du ciel, si on peut parler des cultes solaires anciens, vous avez par exemple, si on prend l'histoire allégorique de l'humanité, c'est-à-dire une histoire qui n'est pas réelle, parce qu'elle est subjectivée par ses propres processus, par l'interprétation des successions de générations et tout, mais on peut considérer qu'il y a quelque chose derrière au niveau des allégories, même si ça reste en surface, si on regarde à travers, on se rend compte qu'il y a des vieilles choses qui reviennent tout le temps. Si on prend par exemple l'Exode, vous avez Moïse, Moïché, qui est au fond un initié par des magiciens du ciel, d'un culte solaire, étant donné qu'il est élevé en Égypte et qu'on dit qu'il reçoit l'éducation d'un prince. Par après, Moïse, il y a des conflits internes, il y a des conflits politiques, il finit par quitter l'Égypte et va vers l'Afrique probablement, et il en ramène des choses plus proches du tellurisme et plus proches de la, si on pourrait dire, du côté un petit peu sorcier du sang, qu'on pense que ça pourrait être venu d'Afrique. Notamment, à un moment donné, il y a une guerre des mages, si on peut dire, c'est-à-dire que Moïse fait face aux magiciens égyptiens. Et ces derniers vont jeter des bâtons à terre qui deviennent des serpents, symboles du tellurisme, mais aussi de la connaissance. Et Moïse fait pareil, et son serpent mange les autres serpents, comme pour démontrer une certaine supériorité au niveau de la connaissance. Si vous regardez la statue de Moïse qui a été sculptée par Michel-Ange, c'est une statue très différente de ses autres statues. Il a des protubérances sur la tête. C'est une statue cornue d'une certaine façon. Ce ne sont pas des cornes, mais ce sont des protubérances qui semblent être un peu sous la chevelure. Or, anciennement, c'est pourquoi est-ce qu'on a, par exemple, au Moyen Âge, à la Renaissance, beaucoup représenté le diable avec des cornes et des ailes? Parce que c'est de la corruption au niveau de l'esprit. C'est dans l'air, si on peut dire, c'est télépathique. Toute personne qui n'est pas à l'affût peut se laisser corrompre par un esprit de corruption qui est là à travers le temps et l'espace depuis le début et qui fait qu'il va y avoir des rapports de force entre les humains. Ça vient engendrer la guerre, notamment par l'orgueil et tout. Si on regarde la statue de Moïse, ses protubérances, ce ne sont pas des cornes. On pourrait appeler ça, dans un sens moderne, jusqu'à un certain point, des antennes, comme quoi un prophète en contact avec le Très-Haut. Je sais, ça peut paraître naïf, mais si vous regardez quand Moïse s'apprête à descendre du Sinaï, il se fait dire « ton peuple s'est corrompu ». La corruption, c'est toujours à tous les niveaux, toujours. C'est une des choses, ça commence par certaines structures simples, puis ça envahit totalement la structure psychique de l'être humain ou d'une peuplade, ou même d'un peuple au complet. Donc, ton peuple s'est corrompu, il descend du Sinaï, puis il se rend compte qu'ils ont construit un veau d'or qui n'est pas sans rappeler des cultes égyptiens liés au solaire. Le taureau, le veau, ces choses-là sont tout le temps rattachées au solaire, notamment les cornes. Les cornes sont rattachées à des cultes solaires souvent. Et jusqu'à un certain point, même si c'est quelqu'un qui est sans doute connaissant de certaines choses, il fait une colère. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a une évolution au niveau de rejeter l'idolâtrie, étant donné que les peuples ennemis d'Israël sont des peuples qui s'adonnent à l'idolâtrie. C'est très, très mal vu. Vous avez aussi, dans la Bible, il est interdit de consulter des astrologues ou de s'adonner à l'astrologie, mais nous pouvons être très certains que les grandes castes de prêtres juifs étaient versés dans l'astrologie. Vous avez même, de toute façon, c'était répandu dans toute la religion, dans toute la région jusqu'en Mésopotamie. Et si vous regardez, par exemple, lorsqu'il y a le Christ au niveau du Nouveau Testament qui va naître, les trois premiers profanes, en dehors de la Sainte Famille, qui sont au courant, sont des savants. Des savants qui viennent de royaumes voisins, de régions parfois assez éloignées, qui sont clairement des savants, des mages. On dit des rois mages. Pourquoi des rois? Parce que dans l'Antiquité, c'était des choses, les principaux initiés étaient des gens qui étaient de caste royale. Il y avait des castes sacerdotales, des castes royales, et c'est la caste sacerdotale qui instruisait les castes royales. Dans le sens que il va y avoir un sacerdoce, au sens de le prêtre est roi aussi. Prenez dans le gallicanisme français, le roi était marié à son pays. Et c'est l'Église qui célébrait cette union-là. Puis vous avez les vieilles choses comme le baptême de Clovis. Puis vous avez prenez par exemple, le roi imposait les mains, la guérison des écrouelles, ce genre de choses-là. On voit que ça avait perduré. Donc, il y a des guerres. Il y a toujours eu des guerres entre les civilisations, entre les royaumes et même à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on peut parler d'une guerre entre les sorciers du sang et les magiciens du ciel. Pourquoi? Parce que le sang est lié au tellurisme. Bien, on va associer le solaire à quelque chose de plus cosmo-tellurique, là, si vous voulez. Prenez par exemple, il est écrit dans des écrits anciens que ce sont les rois orgueilleux qui élèvent des tours. Comme on pourrait même penser que c'est lié à la corruption par la richesse et le pouvoir, à un moment donné, quand l'être humain a ça, il va élever des tours. Par orgueil, c'est ce qui est écrit. Comme juste la Trump Tower, par exemple. Mais il faut comprendre qu'autour d'Israël, il y avait des peuples qui s'adonnaient à des cultes solaires ou des cultes astronomiques qui étaient liés. Parce que les premières religions organisées étaient des religions agraires. Donc, la doctrine des cycles, et puis le positionnement des astres, beaucoup de bâtiments anciens au niveau de ce qu'on pourrait appeler catégorisé d'une façon un peu subjective et grossière comme des magiciens du ciel, plaçaient les bâtiments de culte selon des configurations astronomiques. Donc, quand on observe tout ça, comme on peut considérer qu'il y a là un savoir instinctif qui est présent dans l'être humain, mais qu'il va déformer par sa connaissance. Mais son intuition va toujours finalement s'avérer être bonne, puis on se rend compte que le côté tradition était quelque peu naïf. Prenez le temple du ciel à Pékin, qui est une sorte d'antenne pour communiquer avec le ciel. Eh bien, aujourd'hui, nous fabriquons des antennes et nous nous servons du ciel pour communiquer. Il y avait là quelque chose d'instinctif inconscient. Et c'est le problème avec le côté inconscience collective, archétypale humaine, l'âme collective, si vous voulez, c'est que la mémoire va déformer ce que l'être humain, au fond de lui, sait. Prenez, l'être humain est un être de quête. Et le côté ésotériste enfantin a tout le temps été lié au pouvoir. Tous les grands rois avaient des astrologues, ça a toujours été. Ils avaient des magiciens, des sorciers même. Prenez quand François Mitterrand apprend qu'il a le cancer de la prostate et qu'on a de la difficulté à le traiter, il se met à courir des astrologues, des marabouts. des choses qui on se rend compte que on dirait que face à sa propre fin, il y a une sorte d'infantilisme qui apparaît. Si vous regardez, par exemple, c'est même le cas aux États-Unis avec Ronald Reagan et l'astrologue de sa femme. Vous avez au Canada Mackenzie King qui s'adonnait au spiritisme jusqu'à vouloir contacter le fantôme de son chien. Donc là, vous le voyez, là, cet aspect-là. On n'a pas le choix de le voir. Le pire, c'est que c'est d'une certaine façon, ça n'est jamais réellement décisif au niveau d'une victoire ou de garder le pouvoir. Au contraire, vous avez, comme on a parlé un petit peu des Templiers, mais vous avez fin 19e, début 20e, au cours du 20e siècle, vous avez une resurgence de ça. Comme par exemple René Guénon, puis son ordre rénové du Temple, qui a fini lui-même par délaisser puis à se dissocier, comme s'il s'était rendu compte. Vous avez, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, qui a voulu fonder une sorte d'ordre de moines-soldats, l'ordre noir de la SS, qui allait contre les vieux cultes solaires, parce qu'il se savait en guerre avec des magiciens du ciel, et on dirait qu'il a voulu créer une structure ésotérique qui était parfaitement l'opposé parfait. Mais Heinrich Himmler n'avait pas les connaissances ésotériques pour tout ça. Si vous regardez le château de Wewelsburg, puis le plan, comment c'est fait, puis il y a de fortes connaissances en géomancie qui étaient appliquées à ça. Est-ce que c'est parce qu'ils sont allés rechercher ça en Chine et en Inde et même monter plus haut dans l'Himalaya, certaines connaissances? Vous avez Heinrich Himmler va à un moment donné faire sortir d'un institut psychiatrique un homme très peu connu, dont les historiens ne parlent pas vraiment, qui s'appelle Karl Maria Willigut. Karl Maria Willigut est possiblement un des plus grands sorciers du 20e siècle, mais c'est aussi un être délirant. Il n'était pas en institution psychiatrique pour rien. Il y avait d'un côté, justement, on parlait ceux qui élèvent des tours, là. Il y avait un côté très fort comme ça chez lui. Donc, on peut considérer que c'est toujours la connaissance va toujours engendrer de l'illusion ou de la déformation de ce qu'on pourrait appeler le réel. Et ça va engendrer, le problème, c'est engendrer, ça va engendrer des guerres. C'est toujours des guerres pour l'énergie ou pour le territoire. Le territoire est un support pour l'énergie. Prenez les prêtres de Dagon qui allaient recueillir de l'eau de mer, se mettaient des coiffes en forme de tête de poisson et qui bénissaient avec l'eau de mer. On revoit la même chose plus tard dans l'Église catholique. Ça ressemble beaucoup à une mitre et avec l'eau bénite et ces choses-là. Or, l'eau, il n'est pas juste question de l'eau comme on la connaît, mais une question de symbolique d'un support pour la vie, entre autres. Puis aussi, on pourrait considérer que certaines effluves subtiles sont de l'ordre de l'eau. Pourquoi est-ce que dans les mythes anciens, le soleil traverse le ciel en bateau? Y aurait-il quelque chose de l'eau là-haut? Le serpent, oui, est un symbole du tellurisme, mais c'est aussi un symbole de l'ondulatoire. Donc, ça devient un symbole universel de la connaissance qu'on retrouve partout. Donc, il y a jusqu'à un certain point, à un moment donné, dans l'humanité, il y a eu, semble-t-il, une scission entre ce qu'on pourrait appeler le solaire, puis le côté plus tellurique planétaire où c'est la Lune qui va prendre une importance chez des cultes extrêmement, dans des cultures extrêmement agressives, très guerrières. Vous avez souvent la Lune qui est très importante, ou même jusqu'à un certain point, le serpent. Si vous regardez les Chinois, vous avez le phénix, qui représente quelque chose de... Ensuite, le dragon, qui est un entre-deux. Puis ensuite, vous avez les plus petits animaux plus près de nous, le tigre, mais aussi la tortue noire qui est placée au nord. Donc, il est question encore de magnétisme, surtout par rapport à cette tortue-là. Si vous regardez, par exemple, les nazis vont reprendre la svastika, mais dans le sens où elle tourne, on peut voir à quel pôle elle est associée. Si on prend, par exemple, comme dans certaines formes de bouddhisme, là, vous avez des svastikas dans des sens soit horaires, soit anti-horaires. Si on les regarde au niveau de la mécanique oscillatoire, la géométrie oscillatoire, on se rend compte que ça forme une sphère. Ces deux croix-là, tournoyante, sont des pôles magnétiques et ça vient former une structure un petit peu en forme de citron, qui serait la forme magnétique tellurique, si vous voulez. Le... Ça devient extrêmement compliqué. Si vous regardez, par exemple, dans le judaïsme, c'est clairement un culte solaire. C'est clairement pas au sens où ils adorent le soleil, mais il reste que ça a l'esprit d'un culte solaire. Il y a le côté de vouloir combattre l'idolâtrie, puis des choses comme ça, de vouloir détruire des supports devenus inutiles pour que l'être humain devienne le support, il devient le temple en attendant, puis blablabla. Mais on regarde dans ces cultures-là, il y a des sous-factions où il y a aussi des sorciers du sang, certains aspects vampiriques. Donc, on peut parler d'un groupe très large qui a des guerres intestines. Il ne peut pas faire autrement que d'y en avoir au niveau, si on peut dire, entre guillemets, philosophique. Donc, on voit la même chose chez tous les initiés de la connaissance. Ils vont tout le temps se mettre dans des factions, engendrer des dynamismes où il y a des guerres, notamment de pouvoir. Donc, prenez juste Marie-Madeleine, on dit Marie de Magdala. Donc, ça veut dire, elle venait d'une ville où il y a une tour. Donc, si vous reprenez la tour de Babel dans l'Ancien Testament, c'est clairement une forme de ziggourat. C'était les prêtres rois qui étaient liés justement à une observation des cieux parce que justement, les premiers cultes étaient... Il y avait le côté cyclique agraire des premières civilisations et c'est la vie de tout le peuple qui en dépendait. Donc, la connaissance des cycles, ces choses-là étaient très importantes. Ce seraient les Babyloniens qui auraient été les premiers même à aboutir à la minute de 60 secondes. Si vous regardez le côté quaternaire, les quatre saisons, puis l'idée basée sur quatre castes, des fois, il y a une cinquième caste qui est invisible. Donc, vous aboutissez en Extrême-Orient, à certains endroits, à cinq saisons au lieu de quatre, ce qui est encore plus dynamique, ce qui est en même si le 4 reste une base. Et puis, donc, toutes ces choses-là, toutes ces guerres-là, on se rend compte que les gens qui ont la richesse et le pouvoir sont souvent des gens qui vont se targuer d'une certaine connaissance initiatique, mais être extrêmement enfantin avec. Et ça vient au fond colorer leurs décisions politiques et ça engendre souvent leur perte. Donc, si on regarde, est-ce que le côté ésotérico-magique de certains aspects liés à ce qu'on pourrait appeler le mysticisme nazi a servi leur fin? Pas du tout, ça leur a nuit. Ils ont été trahis, avec, si on peut dire, d'un point de vue allégorique, par ce avec quoi ils avaient pactisé. Et il en sera toujours ainsi. Il en sera toujours ainsi parce que ces forces-là sont, jusqu'à un certain point, d'un point de vue du sens critique psychologique humain, ce sont des forces irrationnelles qui obéissent à des lois naturelles qui n'ont rien à voir avec les conceptions psychologiques que l'homme peut avoir des forces de la nature. Donc, ça aboutit souvent à des décisions profondément stupides. Puis, ça aboutit souvent à des gens qui, jusqu'à un certain point, vont nuire à tout le peuple. Donc, de faire attention avec ces choses-là, de ne pas tout voir au pied de la lettre, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est beaucoup plus nuancé que ça, puis même si on retrouve les mêmes choses un peu partout, prenez par exemple, il est dit quoi dans certains textes anciens hindous, que certains temples volants fonctionnaient avec des bassins remplis de mercure. Et à notre époque, il est plus difficile d'acheter du mercure que certains métaux ou gaz extrêmement dangereux qui explosent au contact de l'air. Pourquoi? Pourquoi des substances plus dangereuses que le mercure sont moins difficiles à obtenir? Pourquoi est-il si difficile d'obtenir du mercure en grande quantité? Le meilleur moyen d'acheter du mercure en grande quantité, c'est d'acheter des thermostats au mercure usagés et de cumuler du mercure pendant des années. Prenez par exemple le temple du ciel de Pékin. Il y a quelque chose un peu qui rappelle les tours Tesla. Donc, de comprendre que derrière le côté magique, Derrière le côté instinctif, le côté intuitif humain, se cachent des choses réelles, des sciences qui pourraient être très, très, très réelles, très, très, très concrètes. Et ce qui va toujours intéresser l'humain, parce qu'il est corrompu, c'est la capacité de s'en servir pour avoir le contrôle, le pouvoir, de la même façon qu'au début, en Mésopotamie, des prêtres-rois se sont attribués la science de pouvoir détourner le cours des eaux pour irriguer les terres et ainsi devenir eux les dispenseurs de vie et ainsi se donner une autorité. Une autorité, pourquoi? Parce que l'être humain est polarisé entre ses pulsions de vie et de mort. Donc, le pharaon, par exemple, est un dispensateur de vie, c'est l'intermédiaire avec les plans du divin. Puis, de la même façon que vous avez dans l'ancien royaume d'Israël, les grands prêtres du temple, qui sont les intermédiaires avec Yahvé, ce sont des castes, ce sont des systèmes de castes. Et ça a possiblement fait partie dans le passé de l'humanité jusqu'à un certain point, le cycle d'avant, de quelque chose de qui était global. Et ces forces-là, ces intelligences-là, entre guillemets, qui chevauchent les humains, vont tout le temps vouloir aboutir encore une fois à des systèmes globaux. Mais qu'est-ce qui est dit sur les orgueilleux rois-prêtres qui élèvent des tours, que c'est par orgueil qu'ils les élèvent et que c'est pour ça qu'un jour, ça va tout être jeté à terre. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est pas si pire comme impro. En tout cas, donc, dans le fond, c'est du remanchage de vieilles choses, mais on dirait que ça n'a pas été intégré. Que ça n'a pas été intégré. Encore aujourd'hui, des gens vont vouloir aller dans des groupes initiatiques, qui est encore les mêmes systèmes de castes, de privilégiés. La connaissance, c'est toujours élitiste. Alors qu'une fois qu'on se rend compte des agissements des gens qui sont censés être initiés à cette connaissance-là, on se rend compte qu'il s'agit d'enfants. Ils ont quelque chose d'enfantin. Et il y a certaines réalités qui doivent pas être connues de gens aussi matures. Ça revient à mettre une torche dans la main d'un enfant et l'envoyer se promener dans une poudrière. Et c'est tout le monde qui risque là-dedans. Mais peut-être que certaines choses veillent au grain. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter trop non plus. Quoique, ça risque d'être très violent. Certaines choses qui viennent. Au niveau de l'histoire de l'humanité, si on la regarde en général, les lois qui régissent ça. Donc, bonne journée.